The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To know. Connaître. Girl. La fille. To find. Trouver. Gorgeous. Canon. Why? Pourquoi? Teacher. La prof. Massage. Le massage. Even better. Encore mieux. Number. Le numéro. Now, a bit faster. Number. Le numéro. Why? Pourquoi? Massage. Le massage. To know. Connaître. To find. Trouver. Massage. Le massage. To know. Connaître. Massage. Le massage. Gorgeous. Canon. Number. Le numéro. Teacher. La prof. Massage. Le massage. Why? Pourquoi? To know. Connaître. Teacher. La prof. To find. Trouver. To know. Connaître. Why? Pourquoi? Number. Le numéro. To find. Trouver. Now, use the words in context. Canon. You're gorgeous in this dress. Tu es canon dans cette robe. Le professeur. I'm looking for a guitar teacher. Je cherche un prof de guitare. Encore mieux. If you add some chantilly cream, it's even better. Avec un supplément chantilly, c'est encore mieux. Trouver. Do you think this subject is interesting? Tu trouves ce sujet intéressant? Connaître. He knows the capital of many countries. Il connaît la capitale de beaucoup de pays. Canon. You're gorgeous in this dress. Tu es canon dans cette robe. Le professeur. I'm looking for a guitar teacher. Je cherche un prof de guitare. Encore mieux. If you add some chantilly cream, it's even better. Avec un supplément chantilly, c'est encore mieux. Connaître. He knows the capital of many countries. Il connaît la capitale de beaucoup de pays.